J'ai continué mon train, puis j'ai dit, s'il passe en dessous de mes roues, c'est ta crosse de fond! J'ai passé, j'ai regardé à mon miroir, puis c'est sorti en arrière. J'ai reculé, juste à côté de lui, ce que j'avais jamais fait avant. J'ai reculé à côté, puis je suis regardé avec mes yeux bien froidement mourir. Puis je pleurais une passoire, et maintenant, ça va pleurer! Parce que la crise de loi doit être détruite du tout! L'homme doit avoir sa volonté. Sans intelligence. Fait que si l'homme sait ce qui se passe dans le cosmos, si l'homme sait que chaque mouvement que tu fais est ordonné et coordonné et sert à la souffrance de l'ego, moi j'ai pas souffert à soir. Puis là, ils m'ont dit, c'est attendu aussi. J'ai dit, t'inquiétais pas, je suis top. Alors, ils m'ont dit, je suis top, puis je suis là pour le prouver que je suis top. Comprenez-vous ce que je veux dire? Pas que je suis là, mais comprenez-vous ce que je veux dire? Par défaite sans tête. C'est ça que je veux dire. Mais, faut voir l'intelligence. Tu peux pas rien faire si tu n'as pas l'intelligence. Si tu veux pas travailler les illusions, pis les illusions, pis les illusions, pis les illusions du petit moineau qui passe ta route, ton char le frappe. Pis tout ça, comme j'ai déjà souffert, que je t'amène prendre à la pêche, je prends les poissons sur la ligne. Mais je sais ce qui se passe quand ils le font. Mais ils peuvent plus m'emmerder. Puis je vais y revoir un petit moineau à soir, puis je l'ai pas déplacé, là, mais je retourne chez nous. Je vais le mettre dans l'arbre. Puis je verse pas de larmes. Puis autant j'en ai versé avant des larmes, j'en verse plus de larmes! Excepté des larmes de larmes. Vous saurez jamais qu'est-ce que ça soit. Mais peut-être un petit peu. Bien sûr que vous pouvez évoluer. Je suis content que vous ne sachiez pas. Il y a assez de force à terre pour vous empêcher de souffrir, frère. Vous parlez des nuances. Vous parlez des jeux de l'esprit. Dans lequel l'ego se fait pogner à tous les secondes, à tous les minutes, à tous les coins de vue. C'est écœurant. C'est pour ça que quand tu vois clair, t'as même qu'il y a toute une planète contre toi, ça change rien, Charlie, ça change rien. Puis tant que t'es pas capable de vivre de même, d'être capable de te tenir tout seul contre des millions de personnes, tu vas pas de la merde. T'as un L'homme doit retrouver sa nobilité. Puis la nobilité qu'il doit retrouver, c'est la nobilité qui est fondée sur une conscience parfaite de ce qu'il est. Une conscience parfaite de ce qu'il est, c'est la conscience parfaite de son intelligence. La puissance parfaite de sa volonté. L'homme a besoin de ces deux principes-là parfaitement équilibrés en lui pour pouvoir reconstituer sur le plan matériel la domination de l'esprit sans matière. Sans ça, il pourra jamais y avoir de domination de l'esprit sans matière. La matière conditionnera toujours l'esprit. Moi, dans mon expérience, durant des années et des années, je disais tout le temps, bon, mais c'est assez la souffrance, là, c'est assez la souffrance, là, c'est assez. Ou un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Parce que la souffrance n'arrêtera jamais tant que l'homme n'y mettra pas une fin. Ça, c'est un autre point que je vous donne à soir, et puis oubliez-le pas. La souffrance dans la vie de l'homme n'arrêtera jamais tant que l'homme, l'ego, lui-même, n'y mettra pas de fin. Puis il y a seulement une façon à l'ego de mettre une fin à la souffrance, c'est en vivant de son intelligence pure et de sa volonté pure. Tout ce qui n'est pas pur est contaminé astralement par une émotion quelconque, automatiquement, ça engendrera dans la vie de l'homme de la souffrance. Tu

comment est-ce qu'on vidait ça? Si. Si elle a pas envie de. Si elle a pas envie! C'est ça. Si elle a pas envie de s'habiller, qu'elle fasse pas venir l'autre à la maison, t'as toujours le choix. Moi, si je veux rester dans mon lit, me dis je peux pas te recevoir l'après-midi. Fait que je maintiens. Comprends? Mais si je décide de te recevoir, c'est à vous de me présenter à toi d'une façon qui est convenable. Dans le sens que, d'une façon qui constitue, dans mon rapport de forme avec toi au niveau de la personnalité, l'aspect le plus plaisant pour tes yeux. Ah, plaisant, c'est dit. Je veux même pas rentrer dans les impressions parce que tout le monde va être en désaccord avec moi, je le sais. C'est l'intelligence, celui de la séduction et de la stratégie. Maudit que t'es intelligent. C'est exactement ça. Je m'en vais te donner une autre 100$ ce soir. C'est exactement ça! Est-ce que tu pourrais répéter une fois? Oui, c'est là. Elle a dit que... Comment c'est ça? Tu l'as fort, Paul. Qui t'a dit? Je dis que la voie d'intention est un intelligence que la séduction est un astral. Parce que nous autres, ça c'est important parce que tout le phénomène de la sexualité se joue là-dedans. Exactement. Et si l'argent sont les deux formes matérielles que l'homme doit dominer en premier. Si l'homme n'est pas conscient là, de comment administrer avec discernement sa sexualité et l'argent, moi, ça me plaît bien, mais il n'y a pas d'aide positive, il n'y a pas de forme de date. Parce que, c'est ça que je vous ai parlé du travail tantôt. Parce que le travail, c'est le lieu où est-ce qu'on peut tirer l'argent. T'sais? Et le travail, il est à l'argent ce que l'amour est à la sexualité. Ça va faire, non? C'est-à-dire, ça a l'air de l'ensemble, mais ça ne va pas entendre. Parce que c'est pas vrai que celui qui travaille le plus fort, c'est lui qui fait le plus d'argent, c'est pas ça. Mmh. C'est celui qui est le plus intelligent à son travail qui fait le plus d'argent. Mmh. Donc, c'est-à-dire qui est le plus rentabilisé, précisément en termes de monnaie. C'est celui qui est le plus intelligent dans ta sexualité ou fils. Ou est-ce qu'il est le plus peureux de la sexualité? Mm-hmm. C'est pas celui qui est le plus affaire. Ouais. La loi de l'impression, c'est tellement extraordinaire. C'est tellement extraordinaire que j'en parle pas. Parce que c'est justement là. C'est tellement extraordinaire, c'est tellement... Ça fait tellement partie de l'intelligence que les gens l'associent au niveau astral. Au lieu de l'associer au niveau de l'intelligence. Parce que les gens, ils ont fait l'impression, c'est séduire. Right. Mais c'est très subtil, ça. Right. Comme tu dis, là, les gens vont dire, ben oui, tu veux me séduire, tu veux m'acheter, tu sais, tu veux me faire enlever dans ton vieux pied ou parce que tu veux m'impressionner. C'est pas pour impressionner l'autre, c'est parce que je suis impressionnée par l'autre que j'impressionne. Je veux dire, moi, je vais dire, noblesse oblige parce que l'autre est noble, pas parce que moi, je suis noble. C'est un chien, ça m'honore d'être en contact avec toi parce que je suis qui je suis. Tu fais un chien, ça m'honore de quoi te rencontrer. Mais si je sais ce que je suis, je te connais ce que je suis. Je sais que je suis prince, je suis une princesse. Si je te rencontre, je te connais comme prince ou princesse, ça m'abaisse pas. Noblesse oblige. C'est ça que les gens aujourd'hui, les masses aujourd'hui ont oublié. Exactement. Je vais donner un exemple. Moi, j'ai été invité dernièrement sur Barbara Bronfman, qui est la juive à Montréal, des gens très riches. Penses-tu que m'a rentré dans la maison? Je le fais. Là, je suis rentré dans sa maison, ta maison ce soir. Puis je t'ai dit comment est-ce que j'aimais ta maison, comment est-ce que t'as belle, ta maison, ainsi de suite. Bon. Tu sais, j'ai pas d'impression à faire. On est ensemble, c'est opérant. Et quand je suis rentré chez Barbara Moffman, comment il y avait des vases de Chine, des affaires de mine de 35 000 piastres? Penses-tu que m'a rentré dans la maison, puis je vais tout regarder les affaires, puis je vais dire, oh, t'as ça, un test, mais moi, moi, je rentre dans la maison, je m'en vais m'asseoir dans le meilleur fauteuil dans le coin. Je m'assieds, puis je grouille pas de là de la soirée. Puis je parle de là, puis je les attire toutes là. Toute la guerre. S'ils sont 150, on m'a toutes les amenées à le tiroir. Puis je me lève pas, hein. Je reste assis. Les autres sont debout, ça, c'est leur affaire. S'ils veulent s'asseoir, c'est leur affaire. Je deviens comme un aimant. C'est déjà inconscient. C'est que la monde, déjà. Là, je les amène toutes, là. Je les tiens là toute la soirée. Puis, quand je repars, j'ai rien vu de la maison. Puis là, ça me dit que j'ai tout vu. Mon œil a goûté de tout. Mais je pars de là, puis je sors. Puis je prends pas mon char. Je me fais conduire par Gisèle. Dans le char. C'est elle qui est en avant, moi, je me sens en arrière. Tu comprends-tu ce que je dis? C'est ça la loi d'impression. Parce que moi, j'ai pas une scène. J'ai bien beau être intelligent. Mais quand t'es avec des milliardaires, faut qu'il y ait une balance. Je suis la crabe à la. Mais ils savent pas si j'ai pas une scène. Tu comprends-tu? Fait que quand je rentre, moi, pis je m'assis dans mon coin, pis je passe à côté de ses mains, même pas. Pis que je suis pas ébloui pis dans sa maison à cette heure. L'équilibre est là. La loi d'impression fait. Après ça, quand on sera plus prêt, là, je dirais, oh, Barbara, j'ai connu l'ice ring, là, ça serait le temps. Là, j'aurais déjà rentré dans la maison. Ouais? Je regarde les gens riches, je regarde dans l'aristocratie, les gens de culture qui ont ça naturellement. C'est naturel, là. C'est naturel. Mais aussitôt qu'il y a un pauvre qui rentre là-dedans, qui a pas la vibration, ils le savent tout de suite. Moi, je dis qu'un prince qui dimange la merde, il ne dit jamais comme un petit peu qui dimange la merde. Exactement. Exactement. Exactement. C'est avec une noblesse. Exactement. Exactement. Mais je ne m'aventure pas dans la bonne impression parce que je sais que ça ne sera pas compris tout de suite. Parce que la réaction normale des gens, c'est la réaction comme dans la soirée, puis je le comprends. Je le comprends. Parce que les gens pensent que la loi d'impression cosmique, c'est la loi d'impression astrale, c'est pas ça. C'est une loi de l'intelligence cosmique dans l'ordre. Laissez-moi vous dire que c'est plus ça maudit. Oui, si je veux apparaître comme un millionnaire demain matin, je sais exactement quoi faire. Il n'y a personne qui va savoir la différence. Mais ça, c'est de l'amour intelligent. Parce que c'est le respect. Quoi? C'est de l'amour intelligent. C'est quelqu'un qui est intelligent, là. C'est sa façon de manifester de l'amour. Tu n'as pas d'autre façon de manifester de l'amour que celle-là. C'est le respect. Continue. Tu sais, nous autres, on dit on l'aime, on se donne le gros bec. Ouais. C'est pas ça, de l'amour. Ouais. De l'amour de l'enfant, de l'amour de n'importe qui, c'est le respect. Ça, ça fait l'enfant bonne impression. Le respect, ça fait bonne impression. Quand tu dis noblesse oblige, comme quelqu'un m'a raconté une fois, elle m'a dit, j'ai été obligée de donner une pièce à mon petit pour qu'il arrête de souffler inutilement là, parce que son père était parti. J'ai donné une claque sur une pièce parce que la souffrance qu'il vivait, c'était pas se respecter lui-même. Tu comprends-tu? Elle dit, par respect pour lui, j'ai été obligée de dire, de s'indigner. Alors que nous autres, on devait donner une claque sur une pièce. Parce que tu comme ça, c'est bien pas correct. Mais elle avait. C'est un choc qu'elle a donné pour que lui-même en train de se respecter. Il y a beaucoup de souffrances qu'on vit comme ça, nous autres, que j'ai envie de dire dans les groupes et avec nos enfants, parce qu'on. Ce dimanche dernier, t'en as parlé de ça, comment on est mal, c'est écœurant, comment on perd l'émotion des gens, parce qu'on ne s'est pas respecté, on s'est juste aimé. Et à partir du moment où on est capable d'être intelligent, et avoir de la volonté, ça va la volonté de notre personnalité, devant tout le monde des fois. À partir du moment où on est capable de mettre l'intelligence dans l'amour, t'as plus d'amour vis-à-vis des gens que du respect. Ça se tient. Ça se tient. respect. Et c'est ce respect de soi-même. Commencer, faut que c'est ça, ça veut dire une noblesse oblige. C'est se respecter soi-même. Ça veut dire ça, te respecter toi-même, ça veut pas dire que tu vas faire n'importe quoi devant n'importe qui. Donc, je fais allusion à toute ta photographie, toutes les mœurs. Les gens qui font que je suis libre parce que je fais n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quel. Ça a rien à voir avec la liberté. La liberté a à voir avec le respect. Et la liberté de communication avec les personnes a à voir avec le respect. Avec le respect. Tu sais, je communique, faut que tu m'écoutes. Tu es disponible. Hein? Alors, ce que je comprends de la loi de l'impression, je ne sais pas, vous m'en avez pas parlé bien gros, mais non, je sais pas. Mais ça m'apparaît que c'est ça qui fait qu'on impose le respect et ce qui fait qu'on respecte aussi les autres. Mais si on ne comprend pas ça, on prend les mêmes formes de ça, on va parler de snobisme, on va parler de puritanisme, on va parler de n'importe. Exactement. Exactement. Ça fait partie de l'intelligence. Ça ne fait pas partie là. Ça descend cette intelligence-là dans l'ego, puis l'ego se sert de cette intelligence. Il n'est pas de snobisme là-dedans. Mais il faut avoir l'esprit bien nuancé, bien. Il faut avoir l'esprit intelligent pour comprendre les lois de l'impression. C'est le seul moyen pour en arriver à avoir un vrai contact avec les gens. Comme si c'était arrivé chez les... C'est-à-dire que t'aurais pas eu la même attitude en arrivant chez les Bronsons qu'en arrivant chez quelqu'un d'autre ou un pauvre garde qui reste dans une cabane. Exactement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, pour en arriver à avoir un vrai contact au niveau des personnes puis de l'âme avec le gars qui reste dans la cabane, je veux dire, tu n'aurais pas eu la même attitude face à cette personne-là. Tu n'as pas besoin de créer autant d'impressions.